au pays de beaux sentiments. Le grand voyage fait chanter les petits éléphants. Dans ma bagnole, ma petite auto, je trouve que t'es rigolo. On se croirait au rodéo. Le grand voyage au pays du rire et du vent. Le grand voyage à la découverte des gens. Le grand voyage au pays des beaux sentiments. Le grand voyage fait chanter les petits et les grands. Viens, je t'emmène dans mon délire. C'est un énorme pourri que tu me fais redécouvrir. Le grand voyage au pays du rire et du vent. Le grand voyage à la découverte des gens. Le grand voyage au pays des beaux sentiments. Le grand voyage fait chanter les petits et les grands. Je me découvre, je suis grandi. Tu t'es fait des tas d'amis et moi dans le fond je t'aime aussi. Le grand voyage au pays du rire et du vent. Le grand voyage à la découverte des gens. Le grand voyage au pays des beaux sentiments. Le grand voyage fait chanter les petits et les grands. Fais chanter les petits et les grands. Fais chanter les petits et les grands.